À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les meetings ont eu lieu le 30 septembre et le 1er octobre en Tchèque, au Danemark et en Suisse. Au meeting, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, à la même occasion, le Comité national d'études des instituts du Congo démocratique a fait paraître un bulletin le 30 septembre.